Marc chapitre 14. Or la fête de Pâques et des pains sans levain était deux jours après, et les principaux sacrificateurs, et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par finesse, et le faire mourir. Mais ils disaient, non point durant la fête, de peur qu'il ne se fasse du tumulte parmi le peuple. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, il vint là une femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur et de grand prix, et elle rompit le vase, et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et ils disaient, à quoi sert la perte de ce parfum? Car il pouvait être vendu plus de 300 deniers, et être donné aux pauvres. Ainsi ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne action envers moi. Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous leur pourrez faire du bien toutes les fois que vous voudrez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a anticipé d'oindre mon corps pour l'appareil de ma sépulture. En vérité, je vous dis, qu'en quelque lieu du monde que cet évangile sera prêché, ceci aussi qu'elle a fait sera récité en mémoire d'elle. Alors Judas Iscariot, l'un des douze, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer. Qui, l'ayant oui, s'en réjouirent, et lui promirent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient comment ils le livreraient commodément. Or, le premier jour des pains sans levain, auquel on sacrifiait l'agneau de Pâques, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous t'allions apprêter à manger l'agneau de Pâques ?» Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit, « Allez en la ville, et un homme vous viendra à la rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le. » Et en quelque lieu qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre, ornée et préparée, apprêtez-nous-la l'agneau de Pâques. Ses disciples donc s'en allèrent, et étant arrivés dans la ville, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et sur le soir Jésus vint lui-même avec les douze. Et comme ils étaient à table, et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, que l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira. » Et ils commencèrent à s'attrister, et ils lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi, et l'autre, est-ce moi ?» Mais il répondit, et leur dit, « C'est l'un des douze qui trempe avec moi au plat. Certes le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi, il eût été bon à cet homme-là de n'être point né. » Et comme il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir béni Dieu, il le rompit, et le leur donna, et leur dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris la coupe, il rendit grâce, et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs. En vérité, je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et quand ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, quand même tout serait scandalisé, je ne le serai pourtant point. Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis, qu'aujourd'hui, en cette propre nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre disait encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et ils dirent tous la même chose. Puis ils vinrent en un lieu nommé Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, et Jacques, et Jean, et il commença à être effrayé et fort agité. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici, et veillez. » Puis s'en allant un peu plus avant, il se jeta en terre, et il priait que, s'il était possible, leur passât rien de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, transporte cette coupe arrière de moi, toutefois, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revint, et les trouva dormant, et il dit à Pierre, « Simon, dors-tu? N'as-tu pu veiller une heure? Veillez, et priez que vous n'entriez point en tentation, car quand est l'esprit, il est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla encore, et il pria, disant les mêmes paroles. Puis étant retourné, il les trouva encore dormants, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il vint encore, pour la troisième fois, et leur dit, « Dormez dorénavant, et vous reposez, il suffit, l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit, s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, qui était l'un des douze, vint, et avec lui une grande troupe ayant des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs, et des scribes des anciens. Or celui qui le trahissait, avait donné un signal entre eux, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le, et emmenez-le sûrement. » Quand donc il fut venu, il s'approcha aussitôt de lui, et lui dit, « Maître, maître !» Et il le baisa. Alors ils mirent les mains sur Jésus, et le saisirent. Et quelqu'un de ceux qui étaient là présents, tira son épée, et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus prit la parole, et leur dit, « Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour me prendre ? J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi, mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous ses disciples l'abandonnèrent, et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu, et quelques jeunes gens le saisirent. Mais abandonnant son linceul, il s'enfuit de tout nu. Et ils menèrent Jésus au souverain sacrificateur, chez qui s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et Pierre le suivait de loin, jusque dans la cour du souverain sacrificateur, et il était assis avec les serviteurs, et se chauffait près du feu. Or les principaux sacrificateurs et tout le consistoire, cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point. Car plusieurs disaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient point suffisants. Alors quelques-uns s'élevèrent, et portèrent de faux témoignages contre lui, disant, « Nous avons ouï qu'il disait, « Je détruirai ce temple qui est fait de main, et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main. » Mais encore avec tout cela leur témoignage n'était point suffisant. Alors le souverain sacrificateur se levant au milieu, interrogea Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?» Mais il se tut, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore, et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, et dit, « Qu'avons-nous encore à faire de témoins ? Vous avez ouï le blasphème, que vous ensemble ?» Alors tous se condamnèrent comme étant dignes de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner des soufflets, et ils lui disaient, « Prophétise !» Et les sergents lui donnaient des coups avec leurs verges. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vint. Et quand elle eut aperçu Pierre, qui se chauffait, elle le regarda en face, et lui dit, « Et toi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Mais il le nia, disant, « Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. » Puis il sortit dehors, au vestibule, et le coq chanta. Et la servante l'ayant regardé encore, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Mais il le nia une seconde fois. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage s'y rapporte. » Alors il se mit à se maudire, et à jurer, disant, « Je ne connais point cet homme-là dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se ressouvint de cette parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura.